aujourd'hui le 19 novembre 2018. Monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki. Oui, on y va. D'accord. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Nous ne sommes que de passage. Où est notre héritage? S'il faut vivre dans ce monde de haine et de misère, respirer la colère, cultivée par mes frères, j'aime mieux retourner dans le ventre de ma mère. Je cherche une île sans nom, un paradis perdu à l'autre bout du monde. Je cherche une île sans nom où les êtres vivent et nus dans une paix profonde. Nous ne sommes que de passage. Où est notre héritage? Car l'homme est si peu sage, que laisserons-nous derrière une terre déchirée, mutilée par le passé, et tous ces gens, petits et grands, seront projetés dans le néant. Je cherche une île sans nom, un paradis perdu à l'autre bout du monde. Je cherche une île sans nom où les êtres vivent et nus dans une paix profonde. Pourtant l'homme est si grand, il pourrait tout changer. Et si parfois il s'arrêtait, écoutez l'oiseau chanter et regardez la vie danser, la vie danser. On pourrait tout recommencer, on devrait tout recommencer. Je cherche une île sans nom, un paradis perdu à l'autre bout du monde. Êtres vibrés nus dans une paix profonde. C'est l'opus, le disque exceptionnel de Monique Vermont qui vient tout juste de sortir. Je vous le conseille fortement si vous aimez la chanson française, si vous aimez les mots, si vous aimez l'émotion, si vous aimez aussi l'humour. Il y a une chanson humoristique qui s'intitule, La Robineuse. Enfin, un disque sensible, autoproduit, donc très intéressant, d'une liberté absolue de l'écriture et de la musique. Est-ce que vous avez entendu l'héritage? qui l'a rédigé, qui a écrit cette narration, ce texte? Monique Vermont. La musique est de Bernard Duplessis. Une autre de Monique. Les autres, il y a exactement 12 pièces, dont 3 de Monique. Attendez un peu. 1, 2. Elle dit dans sa chanson qu'elle veut. Comment qu'elle dit ça? Donc, je veux. Je veux. Attendez. Je veux le maillot. On y va. On va écouter. Après ça, on va en parler. On va parler du texte. Nous ne sommes que de passage. Où est notre héritage? S'il faut vivre dans ce monde de haine et de misère, respirer la colère, cultivée par mes frères, j'aime mieux retourner dans le ventre de ma mère. J'adore. Je cherche une île sans nom. Ah, c'est là. Un paradis perdu à l'autre bout du monde. Êtres vivre et nus. Bon, les êtres vivre et nus. Ma belle Monique d'amour que j'adore. Moi, en partant, là, vivre nu devant tout le monde, je sais que je suis né totalement sans un sou et plus riche que, et plus riche qu'avant, comme le chante Joe Dassin. Là. La connais-tu, celle-là? Hey, voyons! Monique! Et alors, c'est quoi dans ces... pas un sou, mais plus riche qu'avant. L'Amérique, l'Amérique, je veux l'avoir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Par les sirènes de terre, par les sirènes de bateau, qui vont chanter ça sans l'avance. Bien, moi, à poil, là, Monique, là. Pas capable. Les autres, j'ai pas de problème, là. Moi, j'ai un petit côté voyeuriste. On va examiner tout le monde à poil, là. J'aimerais que tu rectifies ta chanson. Juste pour moi, ma belle Monique. Puis, c'est si tu t'as parce que, tu sais, je peux comprendre. Tu sais, on se connaît, on se dit, tu sais. Comme la mousse tchétché. Tchétché! Tchétché! Comme si on la connaissait, la mousse tchétché. On la connaît pas plus que n'importe quelle mouche. Pourquoi on dit tchétché? C'est impardonnable! C'est une mouche! Tchétché! Tchétché veut dire! Ça, c'est une mouche québécoise, tchétché veut dire. Elle arrive avec son chapeau en laine. Reggae, tchétché veut dire! Tchétché veut dire! Elle vole tout croche! La légalisation là-bas! Tchétché veut dire! Tchétché veut dire! Alors, Monique, j'aimerais que... Ah, moi, ça va bien. Ah oui, je mange mes 3 pas par jour. Mes selles sont consistantes. Monique d'amour, chante des beaux moments. Chagrin d'amour, et quand le disque est terminé, on pourrait faire un duo, ce serait merveilleux. Et je l'ai le tremolo, moi. Et terminé. Moi, ce que j'aimerais, là. Monique Vermont, Renald Gagné, Bonnie and Clyde de Gainsbourg. Ou Renald Gagné. Non, Monique, toujours. On va mettre les vedettes au début, puis les petits crétés, là, ceux, les profiteurs qui prennent les vedettes, se mettent derrière les vedettes, puis ils veulent monter leur grade social et musical et artistique. Il y en a de même. Il y en a, on les connaît, c'est eux, là, hein? Non, mais ce serait bien de faire. Ensemble. Oh! Non, de faire ensemble une chanson. OK, wow, on a eu chaud. Monique aussi a commencé à avoir les... Hein? Elle tremblotait de la garlotte. Elle se demandait qu'est-ce qu'il va dire. On peut plus rien changer. Là. Ça joue actuellement. Là, hein? C'est du ruban. C'est de la sonorité qui ne peut pas s'arrêter. Alors, je t'aime moi non plus. Reprise québécoise avec Monique Vermeaux, Renald de Gagné. Le succès, je dis, là, on va faire les bars. Moi, j'aimerais ça faire les bars avec Monique, là. On finirait par ça, là. Oh, t'as... Oh! Tu sais, tout le monde est un peu, là. Là, tu finis par... On pourrait, enfin, au Québec, avoir de la progéniture grâce à nous, Monique. Monique. Je sens le succès, ma belle! Et une autre chanson que je voudrais vous faire entendre, humoristique, un peu sur la page blanche. La pièce s'intitule « Prête-moi ta plume ». Prête-moi ta plume, juste quelques secondes, pour que vienne au monde une autre chanson que nous chanterons tous à l'unisson. Mais mes doigts se serrent sur la plume noire et je broie du noir. Les mots ne viennent pas. Prête-moi ta plume, juste quelques secondes, pour que vienne au monde une autre chanson que nous chanterons tous à l'unisson. Et je l'ai trouvée, à force de chercher, la clé de mes pensées que j'avais si bien cachée, Prête-moi ta plume, juste quelques secondes, pour que vienne au monde une autre chanson que nous chanterons tous à l'unisson. Et comme un miracle, les phrases s'allument au bout de la plume. Oh, elle est terminée, on peut la chanter. Prête-moi ta plume, juste quelques secondes, pour que vienne au monde une autre chanson que nous chanterons tous à l'unisson. Dans cette merveilleuse chanson, j'entends en même temps la voix de Gilles Vigneault, la poésie de Gilles Vigneault, mais c'est les mots de la grande Monique Vermeaux. Je vous le dis, hein, pour des cadeaux, un cadeau, un beau cadeau. Faites-moi en pas un. Moi, je l'ai eu, c'est Monique qui me l'a donné. Hein? Y a-t-il des chouchous dans le monde? Y en a des jaloux! C'est Monique, moi, c'est à moi qu'elle me l'a donné! Mais elle ne me l'a pas autographié. Fait que lorsque je l'inviterai, je vais lui dire. Comment, c'est quoi son petit nom, donc, Momo? Non, attendez. Donne-moi ta plume. Ah ben voilà, pourquoi pas. Pendant que je vérifie son surnom, parce qu'elle me l'a dit sur Facebook, allons-y avec la dernière chanson de Monique. Sur son opus, Viendra le jour. Le titre, ben, c'est Viendra le jour. Au bord de la rivière Yamaska, au bord de la rivière Yamaska, j'ai revu dans l'eau claire tes yeux briller pour moi. J'ai revu dans l'eau claire tes yeux briller pour moi. Le chant de la rivière avait ta voix. Le chant de la rivière avait ta voix. Et j'ai prié le ciel que tu ne m'oublies pas. Et j'ai prié le ciel que tu ne m'oublies pas. Au bord de la rivière Yamaska, au bord de la rivière Yamaska, j'ai revu dans l'eau claire tes yeux briller pour moi. J'ai revu dans l'eau claire tes yeux briller pour moi. Un jour sur la rivière Yamaska, un jour sur la rivière Yamaska, je suivrai le courant qui m'emmène vers toi. Je suivrai le courant qui m'amène vers toi. Thank you. Ce jour sur la rivière Yamaska, ce jour sur la rivière Yamaska, notre amour voguera jusqu'à la fin du temps, notre amour voguera jusqu'à la fin du temps. Ce qui me plaît dans cette écriture-là et dans ces chansons-là, c'est que on n'en rajoute pas. On dit l'essentiel et on arrête. C'est vraiment... Ce n'est pas redondant. Donc, c'est de la bonne et de la belle musique avec une voix chaude, réconfortante. Un être aussi extraordinaire. J'espère qu'elle se produira en spectacle, piano-voix. Elle le mérite. Monique Vermont. Son surnom, c'est Manique. Comme la chanson. Mais on ne s'ennuie pas avec Monique, contrairement à celle de Georges Dor. Comme on s'ennuie à la Manique, on se crierait bien plus souvent à la Manique Wagon. Sinon, mes amis, j'aimerais vous lancer dans des chemins que nous défricherons ensemble avec grand plaisir. Les gens disent comme ça, là, à travers leur chapeau, « Ah, la bière fermente en bouteille. » Il en est rien! Ce n'est pas vrai! Elle ne fermente pas. Elle vieillit en bouteille, comme Ginny. Le camping. J'haïs ça, le camping. En fait, je me mets des thèmes qui m'enflamment. Le camping, c'est assez imbécile! Il y a plusieurs sortes de camping, hein? Il y a le camping, le vrai camping. Savez-vous que je parlais de camping? Camping, le vrai camping. Sac à dos, des bottes. On est habillé pour la pluie, pour le froid, pour le chaud. On est prêt, on s'en va. On arrive à un endroit, pas d'électricité. Pas de télévision, pas de cellulaire, rien. C'est du camping sauvage. Si c'est pas sauvage, le gars qui va être avec vous autres, c'est-à-dire Renald Gagné, le sera sauvage. Il va prendre votre cellulaire. Il va le catapulter. Catapulter, hein? Il va... c'est violent, catapulter, là. C'est pas le prendre et le tirer, là. Le catapulter! Ça fait peur! C'est comme la guillotine! Hein, ça fait peur la guillotine. Le mot, non, pas vraiment. Un enfant là, à qui tu apprends comme ça, j'ai froid. J'aimerais te montrer un mot, te dire un mot. Guillotine. Petit garçon, guillotine. Yeah, c'est guillotine. Mais quand tu sais ce que le mot peut faire. Et ce que le mot fait, là, la guillotine, là, t'as comme une petite tremblotte là, dans la garlotte, là, hein? Ça te fait peur, là. Tu la vois, la lame, là. Même si t'as la tête au plancher, tu sais ce qui va arriver. T'es capable, là? Si t'es un minimum. C'est un minimum de côté dramatique ou si tu peux te transposer. Là, quelqu'un qui va se faire trancher la tête. Le mot guillotine, c'est épouvantable. Mais le mot n'est pas à la mesure de ce que le traitement de la machine va faire. Je vois jamais, je peux appeler ça guillotine, moi. C'est sans doute l'inventeur. Guillotine, comme M. Poubelle. M. Poubelle, au moins, poubelle. Oh ouais, je sais, il y a des phrases. « Maman, tu es la poubelle du monde. » Bon, des conneries comme ça. Mais la poubelle. Bon, Monsieur Sandwich, bon. Il y a Monsieur Sandwich, le dessus mayonnaise. Ça, c'est son beau-frère. Lui, il glissait sur le pain, là. Surtout quand t'es coincé entre deux tranches, puis t'es beurré de mayonnaise. Tu glissais de la mayonnaise. Avez-vous fait des expériences, tu sais, des fois, des samedis soirs, là, t'es... T'es-tu seul avec ta conjointe ou t'es-tu seul avec ton conjoint? Puis là, tu te dis, oh, On a tout essayé, tu sais, les petites affaires, là, réglo, là, on voit des films sentimentaux. C'est innocent, sentimental, c'est innocent, un film sentimental. Il n'y a jamais eu un film sentimental qui a fait partie des cinémathèques. Heureusement. Là, il y a quelques siphonnés qui vont dire « Ah, ben oui! » Hey, il y en a eu des films sentimentaux, il y en a eu des films sentimentaux, ben oui, donne-moi-en un, donne-moi-en, avec Bessinger. C'est quoi le film avec Bessinger? 9h30 le matin. Non, c'est pas, non, ça c'est 37h02 le matin, puis c'est pas un mais c'est loin de là, c'est un film exceptionnel, ça. Mais c'est, quoi, 9 semaines et demie. J'ai jamais vu ça, ce film-là, là. Mais tu sais, quand tu commences à se badigeonner, ça, là. Fait que moi, je l'ai pas vu le film. Mais je peux vous dire que un bon samedi, quand tu t'es testé, t'as essayé la pâte à dents. C'est drôle, la pâte à dents, puis en plus, ça nettoie. Quand tu lèches, là, ça fait quand même un bel entretien de la bouche. Elle peut pas dire après, arrête, la bouche dégoûte, la bouche dégoûte, la bouche dégoûte. Hey, ben ouais, dégoûte! Elle dégoûte de ton amour, ma chérie! Mon pigeon! Ça, c'est bien quand t'as une copine, tu l'appelles pigeon. Ça, c'est un vieux gag que j'ai déjà lancé, mais je reprends mon ancien répertoire. Le public est pas souvent à l'écoute. ou s'ils le sont, c'est en parcimonie, pas tout le temps, tu sais, à l'occasion. J'ai un public à l'occasion. Et, ouais, tu appelles. Ouais, attends un peu, je viens de me rappeler. Je suis comme ça, je suis comme Clémence. Ça, tout le monde le sait, je suis comme Clémence. J'ai des blancs. J'ai des blancs que je veux jamais noircir, puis j'ai une coulisse, celle qui va me souffler. Elle me souffle à l'émission, puis après ça, oh, il est irremplaçable. On va le remplacer à un moment donné, là. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire? c'est ça, le blanc. Hé, monsieur, je parlais de quoi, donc? Clémence, les blancs. Bon, la coulisse est partie. Bon, la coulisse est partie pour travailler. Ben, elle travaille ici! Elle est où? Le gars est seul. La coulisse est partie travailler. L'errant est là. À chercher, es-tu dehors, c'est-tu dedans? Là, tu sais, le gars, il content, là, il rit. Dans la musique, dans la chanson, là, quand tu souris, les gens s'en rendent compte, là. Oubliez pas de le faire si vous êtes dans la chanson. Jamais on va vous apprendre ça à Tarte Academy. À Tarte Academy, leur mission, c'est d'en faire de la tarte. Ah ouais, remplis-moi ça! La belle grosse tarte que le public, là, va. Ils vont s'alimenter! Avec d'absolument rien qui peut être consommable. Rien à se mettre sous la dent que de la bizarrerie. Non, que de la vieille chose prête à manger, tu sais, du préfabriqué. Y en a-tu du préfabriqué dans ce milieu-là? Des tartes académies, on t'en fait de la tarte. La tarte est contente d'aller se produire, se reproduire. Ça reproduit de la tarte. Eh, monsieur. Heureux d'être con parce qu'ils ne le savent pas. Heureux de leur médiocrité parce qu'ils ne le savent pas. Puis là, hey, là il t'arrive. Moi, je chante bien, moi. J'ai le trémolo. Ben oui, mais il n'y a pas de cœur. Monique Vermont, elle a du cœur. Il y a Jane Birkin, elle n'a pas de trémolo. Elle est sublime dans toutes ses chansons. Vous savez que je peux imiter Jane Birkin, hein? Vous savez pas? On va le faire. Je suis assis sur mon chaise et je vais vous chanter Birkin Chill. C'est un rire asiatique, mais à la Jane Birkin. My name is Jane Birkin. Birkin, moi cher. Attends. Hey, là, tu veux, il y a un peu de rénal là-dedans. Là, le rôle a pris le dessus. Le rénal a monté. Puis il a monté sur Jane. C'est quand même pas mal. C'est même exceptionnel. Bonjour, mon nom est Jane. J'ai pris mon chaise et je vais vous chanter la chanson Babylon. Tu veux? C'est moins juste, là. Ça fait une Canadienne anglaise qui essaie de parler, pas une Canadienne. Jane n'est pas Canadienne. C'est une anglaise. On recommence l'imitation. Bonjour. Mon nom est Jane. Je suis assis sur mon chaise et je vais vous faire une chanson de Search. Oh, Search, j'aime Search. Je vais vous chanter la chanson de Je fais mince. Ne vous déplaise, le petit mayonnaise. On est toujours sans mayonnaise. Oui, je sais que la discipline d'imitation, c'est Renal qui a mis au galop. Oh, bonjour, c'est Jane. Je l'aime, Jane. Ah non, c'est Babylone et Babylone. Ah non, Babylone et Babylone. Babylone et Babylone. Babylone et Babylone, noyé sur les flots de Saint-Louis de Cadillac et des fruits inconnus. Ah non, c'est pas Jane. Non, non, je sais, excusez-moi. Je ne sais pas ce que je fais, tout le monde le sait. Que je ne sais pas ce que je fais. Mais là, maintenant, j'ai des musiciens. On y va. On y va. On y va. On y va. Oh! Oh! Trois! Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est les requiem pour un con. Je l'ai composé spécialement pour toi, à la mémoire de Céléra. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, non? Toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette air-là. Que tu n'aies pas même une hésitation, non, sur le requiem. Oh! Pour un con, on y va. Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? Pour moi c'est idem, que ça te plaise ou non, ouais! Je te le rejoue quand même. Pauvre con. Pauvre con. Pauvre con. Pauvre con. Pauvre con. Que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem. Pour un con. Merci, mesdames et messieurs, c'est le succès requiem pour un con, mais on n'a jamais entendu d'orgue. Ouais, Madame Thibaudot, Oui, je le sais bien. Ben voyons donc, ça peut pas rentrer dans mon studio, moi. Oh non, on peut rentrer des caisses de bière, on peut rentrer des caisses de vin, de gin, de Porto, mais on peut pas faire ça. Ouais, mais c'est gros là, l'orgue là. L'orgue de Barbarie. Quand l'orgue de Barbarie, sous les ordres de Barbara, ça c'est Serge là-bas, et qui tourne et tourne sa barre, reculons. Ouais, j'ai écouté, je sais pas aujourd'hui, là, j'ai le goût de chanter. Ma grand-mère était tout le temps en train de chanter. Mon grand-père, il voulait plus l'écouter chanter. Et puis son arrière-grand-mère, ben, il pouvait pas parce qu'elle était partie. Elle a décidé de partir, elle, là, comme ça, là, sans le dire à personne. Ils l'ont cherché pendant 2 semaines. Là, ben, ils se sont rendus compte qu'ils sont frappés le mur sur la tête sur un épitaphe. Ça fait pataf sur l'épitaphe. Pataf! Épitaphe. Là, ça saignait un peu, là. Ils ont lu. Ah, c'est le nom de mon arrière-grand-mère. Oh, elle est décédée! Là, ils ont su qu'elle était décédée là quand ils sont arrivés face à face avec. Là, ça pleurait. Ah, mon doux Seigneur. Puis, comme ces gens-là, oui, ils avaient quand même un pleur démonstratif, mais c'était pas assez. Ils trouvaient qu'il n'y avait aucune répercussion. Mais en fait, ils en voulaient plus que ça aussi. Donc, ils ont engagé des gens qui venaient d'Égypte. Parce qu'à l'époque, les Égyptiens et les Égyptiennes demandaient à des personnes qui avaient comme travail de pleurer. C'était des pleureuses. Il n'y avait pas de pleureurs, il y avait juste des pleureuses. Et ils se sont rendus là-bas pour rencontrer, faire des genres d'auditions de pleureuses. Et ils ont reconstitué après ça l'événement. Bon, ils cherchaient la grand-mère. Hein? Puis là, bon, un bonsoir. Toujours la tête baissée, ils arrivent et paf! Sur l'épitaphe. Là, le sang, hein, sur la surface. Là, ils regardent. Oh, non, qu'est-ce qui est écrit? Oh non, c'est notre arrière-grand-mère! Oh! Ah! Les pleureuses étaient là. Le voyage était merveilleux. Regardez, ah! on a l'enregistrement. Allez-y, là. Ah! Sans pleurer, c'était merveilleux. Oh, la vie des pleureuses. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a plus de pleureuses parce que tout le monde pleure tout seul là, dans leur coin en disant oh, « la vie est insupportable. Oh, c'est insupportable, insupportable, insupportable. » Mais qu'est-ce que tu as fait pour la... Écoute CKRL, tu vas la supporter. Écoute de la musique. Monique Vermont. Elle, Monique, là, cette femme-là, c'est extraordinaire. Parce que tu places sa pastille sur ton laser, puis même si tu parles pendant que ça joue, elle va te supporter. Elle n'arrêtera pas de chanter en disant « Hey, je m'appelle Monique Vermont. J'ai fait des chansons. Je chante aussi les grands. » Oh oui, je chante les grands. Et un minimum de respect, écoutez-moi. Mais ça peut jamais arriver, ça, quand tu places un CD. C'est vrai, ça serait merveilleux. L'interrelation entre l'artiste et le spectateur et l'auditeur. Tu sais, quand ça va trop loin, elle m'a dit une petite fête, là, puis on met Monique Vermont, puis là, tu sais, on boit du vin, puis là, oh, on y va, puis là, le cigare, puis là, Monique chante, puis là, le cigare, ça fait tousser. Là, Monique s'arrête de chanter. Bien, hey, arrêtez de fumer, là! Il me reste encore 4 chansons sur mon disque! Ça peut pas arriver. On n'est pas rendu là. Mais je suis certain que le premier disque qui donnera cette chance-là de communiquer avec l'auditeur, ben, ce sera Monique Vermont qui l'enregistrera. Ça sera une merveille. D'un, parce que c'est mon idée. De deux, ben parce qu'elle puis moi, ben on va faire un petit peu d'argent. Ben on va faire chanter. Je vais aller la faire chanter en Suisse, en Belgique. Puis pourquoi pas en France? Une belle chanson, on l'a envoyée en France. On va s'envoyer nous-mêmes en France. On passait à Michel Drucker. Se faire annoncer par Michel avant qu'il parte. pour le grand monde. Le petit, en tout cas, qui partent, que ce soit le grand monde ou le petit monde, avant qu'ils partent. Hey! On peut s'en, hein? On peut souhaiter ce qu'il y a de mieux. Alors, aujourd'hui, le lundi 19 novembre, sentez-vous que je suis au bout du rouleau, pas au bout du rouleau, mais au bout de la corde. Moi, je suis pas sans fil, moi. Même, hey, moi, en parlant de sans fil, j'ai toujours des choses à rajouter. Ah, ben oui, le camping. Ben, on a parlé de camping. Qu'est-ce que je voulais dire, donc, à propos de... Ah oui, c'est ça. Il y a plusieurs sortes de camping. Le meilleur, c'est le sauvage. Moi, quand je vois du monde là, s'en aller avec leur télé HD, puis peuvent regarder leurs émissions comme s'ils étaient à la maison. Reste donc chez vous! Ils sont branchés de partout. Ils ont la petite toilette. Tire la chasse d'eau. Ça va bien. Il n'y a pas trop de problèmes, tu sais. Je peux comprendre, à un moment donné, quand tu as atteint 90 ans, tu vas voir ça, là. Mais hey, quand tu as 85 et moins, tu vas dans le camping sauvage. Tu risques ta vie en tout temps. C'est ça, la vie, risquer sa vie. Il n'y a pas de plaisir quand il n'y a pas de risque. Voyons donc. Ensuite de ça. Ensuite de ça, adoption. Oh oui, Cigogne Bouquet. Bosquet, oui. Ben, vous savez que, grâce aux chansons d'amour que certaines chantent, il n'y a pas beaucoup de... On fait pas d'enfants. On sait plus comment faire. On a perdu le manuel. Ou Emmanuel. Ah, oh, quand t'écoutes Emmanuel, hein, t'as le goût de... Oh, ta blonde dort, là. Mais des fois, elle adore pas parce que t'es tout seul. Puis bon. Et puis, tu vas avoir un enfant. Meilleure façon d'avoir un enfant, c'est de trouver... un endroit où les cigognes vont se poser pour se reposer. T'sais. Ils vont se poser et ils se reposent. Prennent de l'eau, mangent un peu. T'sais. Fument une cigarette avant de partir. Et puis, ben, ils déposent la progéniture qu'ils vont eux-mêmes envoyer aux parents qui ont demandé des enfants. C'est ça, une cigogne, normalement. Là. Et puis là, toi, tu t'en vas dans un parc de cigognes, tu sais, à l'endroit où tout le monde, là, toutes les, ils sont là, puis ils se prélassent, puis ils partent de leur journée. Hein. Moi, là, j'ai un petit, là, mais hey, il fait de l'embonpoint déjà là. Là. Oh, c'est lourd, là. On aurait dû être deux, mais ils m'ont laissé ça tout seul. Là. Puis, je sais pas, je dois avoir quelque chose au poumon, là. Je fume bien trop, moi, là. Puis, on sait bien que, tu sais, nous autres, les cigognes, on n'est pas habitués à prendre autant de. Ben, ça nous enlève toute la charge, là, de prendre une petite camarade, une petite bouchée, boire une petite coupe de vin, fumer une petite cigarette. Puis après ça, on repart. T'sais, on zigzague au début, mais là, on reprend notre fébrilité. Puis, mais oui, oh! Un gros bébé, 9 livres et demi, 9 livres et demi, là. Oh, moi, je prends plus ça, là, à mon âge, là. Prendre les 7-8 livres, mais 9 livres et demi, oh. Je vois le bas. Les nuages, là, je les vois d'en haut. D'en bas, plutôt. Je les vois d'en bas parce que je vois le bas. Les nuages sont en haut, moi, je suis en bas. Je vois le bas. Les nuages sont en haut, bon, ça prend pas la poule à conscription, tu comprends ça? La poule à... C'est une expression entre nous, les cigognes. C'est la poule à... Elle est bonne, hein? La poule à conscription. T'en comprends pas? Ben, c'est sûr que t'es pas une cigogne. Ça fait que... On va repartir, on va arriver en retard. Hey, en plus, on a un peu comme une livraison, là, un colis. On a des dates. Faut pas arriver en retard, sinon il reprend pas le petit... On le renvoie! On le renvoie pas, on le renvoie à la même place. Fait que moi, je suis obligé de refaire le trajet. Ben, moi, le 9 livres et demi. Non, je vais le donner à n'importe qui. Ça fait que, tu sais, ils se tiennent là. Fait que, moi, à un moment donné, me cache dans un bosquet. Je regarde. Je regarde pas, je regarde. Je regarde! Tu sais, quand tu regardes, t'es devant un livre, là. Tu regardes l'œuvre de Rembrandt? La peinture Rembrandt? Ça Rembrandt, non, mais ça Rembrandt quelques-uns, hein? Ça Rembrandt quelques-uns. Ou l'œuvre de Marguerite Duras, tu contemples l'œuvre de Marguerite Duras, celle qui écrit Les Amants. De Lady Chalerley, c'est pas ça, hein? Les Amants sans Lady Chalerley. Oui, c'est Les Amants sans Lady Chalerley, mais c'est pas écrit sans Lady Chalerley, c'est écrit L'Amant. Puis j'ai essayé de mettre ça sur mon frigo, mais il y a pas le, ça colle pas, hein? Ils n'ont pas beaucoup mis l'amant parce que ça. Là, ma copine m'a dit, ben écoute, c'est pas l'amant qu'il faut, c'est un aimant. Ben oui, mais l'amant, moi, je connais pas ça, moi, ces affaires-là. Moi, là, je suis juste un lecteur. Moi, j'ai le nez dans les livres, puis les livres dans le nez. Puis partout, j'ai toujours le nez dans le livre. Il y en a qui c'est sur le cellulaire, hein. Ils se promènent, ben ouais, dans le cellulaire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, ils sont sur le cellulaire. Tout le monde est sur le cellulaire. Tout le monde est sur le cellulaire tout le temps. Tout le temps. Parlez pour rien dire. Parlez pour rien dire. Tout le temps. Tout le temps, cellulaire est payé, tant petit délai, faut-tu payer, ça coûte cher, cellulaire est payé tout le temps, À qui parler, non? Parler à n'importe qui, tout le temps, sur cellulaire, maudit cellulaire. Pourquoi pas prendre son cellulaire puis le mettre dans son étui? Parce que c'est ça. C'est la vie. Aujourd'hui, en 2018, c'est comme ça. Puis si t'aimes pas ça, ben change de vie. Va-t'en camping sauvage puis amourache-toi d'une cigogne. Puis le mieux quand tu te retrouves avec des cigognes, c'est de choisir l'enfant. Puis de voir celui qui va te tendre la main. Parce que toi, dans les bosquets, là... Hein, tu observes, puis il y en a peut-être un petit curieux qui vont regarder, là, qui vont voir, puis il va montrer, là, tu sais, comme un extraterrestre. Il tend la main. Mais là, l'extraterrestre, moi, je le veux pas, là, parce que c'est pas beau, l'extraterrestre, là. Puis c'est pas beau, puis c'est pas ça que je veux, moi. C'est un petit bébé, mais pas trop petit, parce que je veux pas me mettre le pied dessus, là, tu sais, un petit bébé, mais grandeur normale, là. Bon. Et puis, moi, ça me dérange pas, fille, garçon, là, je vais l'éduquer de la même façon, puis c'est lui qui choisira plus tard, puis c'est une liberté absolue, mais dans un carcan, quand même, tu sais, quelque chose, là, tu dors à 18h, tu dors, là. Hein, après ça, tu as ton petit breuvage à 10h15. Après ça, ton petit lunch à 10h30. Après ça, tu vas à l'école. Mais moi, je veux l'amener à l'école très jeune. Moi, là, 2 mois, là, je veux qu'il commence à parler. Parce que j'aimerais qu'il me surprenne et qu'il m'apprenne des mots dans son vocabulaire à lui. Ce serait beau de faire une émission d'errance avec des termes de bambin. De bambino. Comme le chantait Tino Rossi. Bambino et Capucine. Regardez pas, ça n'existe pas, Bambino et Capucine. Je viens d'inventer ça. Moi, j'invente des affaires, puis ça n'a pas de bon sens, mais le sang, comme il est bon, il est accepté de tous. Et ben c'est ça. Alors, je me cache dans le bosquet, en tout cas. Et je cherche. Il y a 18 cigognes. Il y a 18 bébés. Là, ça pleure, ça rit. Tu sais, puis les cigognes, ben, ça jase, ça fume, ça mange, ça boit. En tout cas. Et puis là, je m'approche, il me voit pas. Là, oh, là, j'entends. Oh, il est beau, mais il a arrêté de nuit, il me regarde. Oh, mais il est beau. Fait que là, j'allonge le bras, puis PAC! Un coup de bec. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais je viens chercher, mais parce que, écoutez, je peux pas avoir d'enfant, moi. J'ai 51 ans, j'ai pas de copine, puis je vais vous raconter les vraies choses, là. À 30 ans, j'ai eu les oreillons, donc je suis infertile, ça donne rien. Je peux bien, là, sans condominium, mais ça donne rien, puis... Ça fait que maintenant, j'ai vu le petit, puis je trouvais, on avait une interrelation intéressante, puis, il a pas faire ça. On peut plus d'autres, là, on a une mission, là, c'est de l'amener au point A, au point B, puis il faut pas que rien te brouille, et tu peux pas faire ça. Là, faut que tu ailles chercher là, des feuilles, tu remplisses ça, puis ça prendra le temps que ça prendra. Mais c'est ça que j'ai dit, ça prend trop de temps. Je t'ai fâché, là. Voyons donc. En plus, là, ça va vous arrêter le voyage, là. Vous allez pouvoir vous amuser pendant 2 semaines. Voir les autres cigognes arriver, puis tu dis, oh, je l'ai donné, que je l'ai vendu à quelqu'un, puis ça va te faire de l'argent de poche, mon champion. T'en auras le bol, je te vois, là. T'as la plume à gare. T'as la plume qui sèche, c'est pas bon, là. Il te faudrait de l'huile d'olive. T'as. Une bonne huile d'olive, c'est ton plumage, en tout cas, ça te ferait du bien.

dopamine pour qu'enfin, enfin je divague, bien planqué au fond de la mine. Pour y voir encore moins clair, mais assurer mon maintien dans ce monde crépusculaire à la recherche de mes moyens. Par goût de la mascarade, éviter la concentration pour me trouver toujours en rade dans un champ de ruines. L'expansion. Et jouir de la récompense avant l'effort, la sueur au front, à la recherche de concordance, me faire la conversation. Pour les cavernes, les puits sans fond, les mornes plaines et les prairies, pour y creuser l'inspiration, un petit souffle de vie. Chercher le calme, la détente, avancer dans la légèreté, mais toujours en bas de la pente, impossible de remonter. Pour me faire un peu violence, naviguer dans une eau sale, entre grandeur et décadence, pour tout poser sur la table, pour tirer mes coups. M'accuser d'inconséquence, revisiter mes ambitions pour me donner une dernière chance. Demain je saurai respirer et légère comme une plume, je l'aurai ma vérité, je saurai pourquoi je fume. Demain je saurai respirer et légère comme une plume. Je l'aurai ma vérité, je saurai pourquoi je fume, je fume. Voilà. Est-ce que tu les défends sur scène avant de les placer? Oui, généralement, ouais. Ouais. Et c'est là, si elles tiennent le coup, on y va. Ouais, tout à fait. Et puis aussi, comme je te disais, je fais attention aux commentaires du public, de mon entourage. Tu vois, bah, je fais écouter à ma sœur toutes mes nouvelles chansons. Donc, c'est le premier public? Ma sœur, je pense que c'est la première à qui ouais, je fais écouter. Est-ce que lorsque tu travailles l'écriture, là aussi, tu ne sais plus à quel moment t'arrêter, ou une fois que c'est clos, que le point final, tu te dis, OK, j'ai tranché la question, j'ai curé tout ça, et ça donne ce texte-là. Est-ce que tu modifies beaucoup sur l'écriture que tu... Généralement, ça va être, comme tu dis, un texte, quand il arrive vraiment à la fin, on sent que... Le point final est pas loin. Ouais, que ça tient la route, tu vois, sur le papier et tout ça. Alors après... Il peut y avoir, pendant que tu enregistres, tu vois, un mot qui passe super bien sur la feuille, et ça passe pas bien à l'oral, ou tu n'arrives pas bien à l'articuler, ou j'en sais, tu vois, où il y a un problème de compréhension. Donc je reste jusqu'au dernier moment ouverte à l'idée que peut-être il faudra changer quelque chose. Quoi. Mais c'est pas compliqué puisque c'est toi l'auteur. Donc, ouais. Voilà. Est-ce qu'on t'a demandé d'écrire pour d'autres? Oui, je fais beaucoup ça. Et qu'est-ce que c'est qui? C'est des gens que tu rencontres quand tu es tournée, lorsque tu fais des galas? Bah, beaucoup des gens comme moi, tu vois, des artistes en développement qui ou sont pas connus. Qui veulent pas écrire? Des interprètes qui veulent pas écrire, il y en a? Oui, ouais, ouais. Est-ce que tu te sens déchiré lorsque tu remets ton enfant à quelqu'un d'autre? Une fois que tu l'as accouché, Non, je me sens pas dans cet état-là parce que généralement, je donne des chansons que moi... Enfin, je donne des textes que moi, je ne chanterai pas. OK. Tu vois, là, j'ai le cas avec une chanteuse qui s'appelle Kiran, là, qui j'ai dû écrire 5-6 textes sur son prochain album. C'est bien. Dans les textes que je lui ai proposés, il y avait aussi des vieilles chansons à moi. Enfin, tu vois, des vieux textes que je chante plus. Enfin, que je chante plus ou que j'ai mais même pourquoi, pas enregistré. Pourquoi elle les chante et toi, tu veux pas les chanter? Ben, parce que moi, c'est le passé et le, la, okay. la, disons, le texte, il a eu sa vie et j'ai pas là. Et tu vois, c'est un peu comme du recyclage. Ouais, non, mais ça te rappelle trop de souvenirs. Oui, ou ça, c'est plus dans mon, tu vois, dans où je suis aujourd'hui. Donc, plutôt que ça reste dans l'ordinateur, j'aime autant proposer et après. Et puis comment, comment la réaction arrive lorsque tu remets un texte? Comment les gens prennent ça? Comment ils prennent ça? Bah, moi généralement j'en donne beaucoup en fait, parce que j'ai pas mal de matière. Ok, ouais. Mais comment ça? Y a... Donc du coup je leur donne à choisir quoi. Ok. Voilà. Donc, Alors t'écris beaucoup? Ouais. Parce que aussi j'ai eu régulièrement dans mon parcours, on m'a demandé aussi d'écrire pour des stars. Ah oui. Enfin, pour des gens connus. Oui. Donc dans ces cas-là, tu vois, je... Pas cet été, mais l'été d'avant, j'ai passé tout l'été à écrire 8 heures par jour. Donc là, forcément, t'arrives à pas mal de résultats. Et ton nom apparaît sur la... Non, parce que mes textes n'ont jamais été pris. Ah! Mais si tu veux, quand on te demande d'écrire pour quelqu'un de connu, t'as envie de bosser et de... Donc moi, ça a toujours... Est-ce que ça t'a déçu? C'est... Bah, si tu veux, j'ai conscience qu'à chaque fois qu'on me demande d'écrire pour des gens connus, je vais être en concurrence avec des gens qui sont déjà identifiés dans le métier. Et que, tu vois, pour moi, c'est un peu... On me donne un ticket de loto, tu vois, c'est à peu près ça. Donc, je me dis pas, j'ai 100% de chance de gagner. Et tu es rémunéré quand même? Non. Oh. Non, dans ces cas-là, on n'est pas... Oh. Alors, si c'est pris, t'es rémunéré, si c'est pas pris, t'es rémunéré. Si c'est pris, t'es rémunéré, si le titre est joué dans la salle et passe à la radio. Non, mais s'il est en ticket, tu Oui, et s'il est... voilà. OK. Mais non, nous, c'est le système français, il est comme ça. On n'est pas payé pour offrir quelque chose. Bah oui, non. Alors, mais les chansons que tu as offertes, exemple à Michel Sardou, admettons c'est lui, tu peux les remettre à d'autres aussi? Ah bah oui. Okay. En fait, généralement, ça passe par... Moi, je vais te raconter la dernière expérience que j'ai eue. J'avais un rendez-vous dans chez une éditrice BMG. Ils savent chez BMG que Johnny, ils sont en train de faire son dernier album. Enfin, c'est vrai. Et donc ça veut dire que à peu près, je pense, tous les auteurs de Paris, on leur demande d'écrire. Ah ouais. C'est ce que je me dis moi. Hein. Alors après, je sais pas si c'est la vérité, mais. Et donc, bah, ça a été le dernier cas, moi, où on m'a demandé d'écrire des textes pour Johnny. Donc là, forcément, t'es motivé et t'as envie d'en écrire des beaux. Et de... Tu vois, c'est pour ça que moi, mes textes n'ont pas été pris. Et là, c'est, tu vois, je te dis, je savais au moment où on m'a demandé que si je décrochais un titre, c'était jackpot, mais en même temps, je savais que j'avais une chance sur 1 million. C'est pour ça que je te dis, c'est le ticket de loto, quoi. Et qu'est-ce que tu voulais faire raconter à Johnny? Bon, ça, c'est pas évident. On m'avait dit, faut pas parler de ça. Il y avait des choses dont il voulait... Donc, apparemment, c'est connu, il voulait pas parler de la mort, que ça parle de la mort. Par exemple, on m'avait dit pas ça. Je sais plus ce qu'on m'avait dit. Fallait pas... Alors, j'étais plutôt dans l'amour, la musique. Le rock and roll. Le rock. Non, j'étais pas trop là-dessus, non. Ok. Mais j'avais aussi pas mal de textes que j'avais déjà en stock et je me suis dit, ça pourrait coller pour Johnny. Voilà, donc j'en ai envoyé, je sais pas, 7-8. Mais j'ai pas. Mais comment on se sent lorsqu'on est invité par l'entourage de Johnny d'écrire pour lui? C'est quand même flatteur. Voilà, c'était même pas l'entourage de Johnny. Hein. Je pense que c'est dans le métier. Ils savent qu'il y a ça qui se fait. Donc tout le monde va essayer de placer quelque chose. Quoi. Donc moi, c'est pas du tout l'entourage. Okay. Mais ne serait-ce qu'un professionnel qui te demande ça. Bah, c'est très gratifiant et comme je te dis, ça te met un coup de boost. qui justifie que tu t'enfermes un mois à bien bosser et t'as envie de... Oui. Tu vois, Parce que là, tu sens les sous apparaître. Oui, et puis, tu vois, moi, dans mon cas, moi, il suffirait qu'il y ait une petite bascule, qu'un jour, un de mes textes soit pris pour un artiste connu, et peut-être on m'en demanderait d'autres, et moi, quand même, le but... Voilà, le but, c'est quand même de gagner sa vie, tu vois. Moi, j'ai pas de rêve de gloire, ça, je m'en fous, mais gagner sa vie, c'est quand même difficile quand on est dans mon cas, c'est-à-dire sans maison de 10, sans éditeur, sans tourneur, tu vois, où on doit tout faire, donc... C'est épuisant aussi. Oui, mais en même temps, moi c'est un vrai choix, tu vois, c'est comme ça que je suis heureuse, et c'est un luxe, et moi je me sens pas en droit de me plaindre de mes choix de vie, et j'ai pas envie de faire autre chose. Est-ce que l'écriture, à force d'écrire, parce que là t'as écrit, et te force à en disquer tout le temps, ou tu veux pas te lancer trop dans cette... Moi franchement, si j'aurais envie, j'adore votre expression en disquer, parce que nous on n'a pas ça, mais j'en disquerais. Oui. Mais beaucoup plus si j'avais les moyens d'en disquer. Ok. Tu vois, moi, c'est vraiment un problème de trésorerie, en fait, qui fait que... Moi, j'ai tout le temps envie d'actualité, d'enregistrer, Mais voilà, je suis... Étant toute seule, je suis limitée beaucoup par le manque d'argent, en fait. Une brume infiniment lente se déplace en mon esprit. Mes amours sont les grandes absentes qui me tiennent compagnie. Presque myope comme une taupe, je me creuse une galerie qui va d'un cœur à un autre pour alimenter l'oubli. Dans ce nouvel ordre des choses, se déplace en mon esprit, je comprends que je deviens sourde aux caresses de la nuit. Toujours myope comme une taupe, je me construis un abri qui va de mon cœur au vôtre, comme on court au paradis. Dans ce nouvel ordre des choses, je me défais de toi. Sommes-nous des lions en cage, des panthères à collier qui savent rester sages tant qu'ils sont rassasiés? Mais à l'état sauvage, si tout vient à manquer, sommes-nous des antilopes qui fuient face au danger, des hyènes misanthropes au sourire carnassier, coincés dans l'engrenage de la nécessité? Dans les villes, dans les bois, sur la terre en fusion, toujours les mêmes schémas, les mêmes évolutions, tous dans le même navire pris dans une lame de fond, capable du pire, de perdre la raison. Sommes-nous des prédateurs, des pitons, des crotales, des meutes sans meneur, des troupeaux en cavale, avalant les couleurs qu'on leur met sur la table? Sommes-nous dans la basse-cour, le bec cloué au sol, un peu aveugle et sourd, incapable d'envol? Ou sommes-nous des rapaces, toujours à la bonne place? Dans les villes, dans les bois, sur la terre en fusion, toujours les mêmes schémas, les mêmes évolutions, tous dans le même navire pris dans une lame de fond, des panthères à collier qui savent rester sages tant qu'ils sont rassasiés. Mais à l'état sauvage, si tout vient à manquer, dans les villes, dans les bois, sur la terre en fusion, toujours les mêmes schémas, les mêmes évolutions, tous dans le même navire pris dans une lame de fond, tous dans le même navire pris dans une lame de fond, tous capables du pire, de perdre la raison. Quand tu fais ça chez toi, c'est pas si mal. Oui, mais si tu veux, tu peux quand même pas passer un cap, quoi. Tu vois? Ouais. Moi, je... J'entends ce qui se produit et ce qui est bien produit et tout ça, et j'entends ce que je fais chez moi, c'est quand même pas... Enfin, tu vois, il y a quand même une différence, quoi. Lorsque tu prépares un disque, la complexité, c'est de choisir les chansons dans un ordre. Hein, c'est pas évident, ça, l'ordre. Les plaquer dans un... Comment tu fonctionnes? Ça, c'est pas facile, l'ordre. Je peux pas te dire que j'ai une recette de fonctionnement. Tu vois, c'est un peu... Pareil, ça finit par sauter aux oreilles, mais... Tu vois, la difficulté, c'est que... Quand tu fais un album, tes chansons, tu les as eues, je sais pas, des centaines de fois dans les oreilles, t'as écouté des centaines et des centaines de fois, et à un moment, t'entends plus rien, en fait. Enfin, ouais. Tu vois, tu n'as plus le recul, ouais, t'es plus objectif. Et c'est là, peut-être, l'importance de l'altérité, qui est d'autres gens... Pour être... Ouais, qui donnent leur avis, qui... Et moi, j'ai quand même besoin régulièrement de prendre l'avis de mes proches ou de gens du métier en qui j'ai confiance. Et, Alors c'est eux qui vont un peu t'aider à classifier des chansons. Oui, qui vont me faire identifier aussi des chansons efficaces que moi j'aurais pas forcément. Tu vois, mes chansons préférées sont pas forcément les plus efficaces en fait. Ok. Enfin, sont pas j'aime pas le terme efficacité, ça veut rien dire, mais. Sont pas les plus accessibles peut-être, tu vois. Donc moi je suis pas le meilleur, je suis pas très très forte en marketing et tout ça moi en fait, tu vois, je suis un peu larguée là-dessus. Donc tu fais confiance aux autres pour te... Je vais pas dire jusqu'à faire confiance, je demande mon avis aux autres, mais c'est quand même moi qui prends les décisions finales. Alors, t'es à l'écoute, parce qu'on me dit. Ouais, voilà, par contre j'écoute ce qu'on me dit et mes décisions découlent aussi des avis que j'ai entendus et ouais. J'ai 10 questions et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Si tu étais un liquide. Un liquide. Alors là je vais ruiner mon image, mais ce serait de la bière. Ah oui, laquelle? Une petite bière artisanale, bretonne. Je fais ma propre bière, moi. Ah oui, madame. Depuis moi, j'adore la bière. 3 mois. Ah, génial. Là, actuellement, ma bière travaille plus que moi. Elle ferme. J'adorerais faire ça. Ah, c'est merveilleux. Ouais, j'adorerais. Écoute, là, tu viens de toucher un point sensible. Là. Parce que tu sais que je produis dans mon bidon, là, je produis 58 bouteilles de bière de 500 ml pour 1,25 $ la bouteille, c'est-à-dire en euros, 50 cents, même pas 1 € la bière. Wow. Et c'est extraordinaire. J'ai brassé, après ça je vais te laisser parler, mais j'ai brassé ma première bière qui est une Scotch Ale. Ah, est-ce okay. que tu connais un peu les... Oui, oui, okay. Je connais. Ah. Et puis en plus, j'ai eu la chance d'aller au Québec et tout okay. ça. Et alors là, j'ai trippé chez vous. Hein. Enfin, trippé, oui. Mais c'est une Scotch Ale ou whisky polonais. Ah oui, oui, oui. Renversant, 12 degrés d'alcool. Waouh. Mais c'est bon. Une bière, c'est assez. Ah oui, oui, je pense qu'une bière, là, à 12 degrés. Mais c'est merveilleux. Ouh. Quel élixir. On a bu ça à deux. Ça a duré même pas 2 semaines. Et là, actuellement, wow. J'ai une blanche. Ah, j'adore les blanches. À la vodka. Ah ouais. Et je l'embouteille. Tu fais des mélanges. Oui, et oui, c'est parce que je veux sortir des créneaux traditionnels. Donc, je l'ai embouteillé le 24 juin, la fête des Québécois. Ah non, attends, j'ai commencé ma bière le 24 juin, la fête des Québécois, et je l'embouteille le 14 juillet, la fête des Français. Génial! Pas mal, hein? Pas mal, oui. Bon, OK, là tu sais quelque chose qui m'a... Moi, je te dis, pour une Française, je bois pas de vin. OK. Tu vois, Ah, mais tu diras quand tu viendras au Québec, parce que je vais te faire goûter ma bière. Ah, de toute façon, ouais, mais j'ai adoré votre pays et... C'est pas mal. J'espère hein? pouvoir y retourner. C'est super. Hein? Ouais, j'ai adoré. Ouais. Ah oui. Et alors là, j'étais au paradis. J'étais au paradis de la bière. Pour moi, c'était le paradis de la bière. C'était où? J'étais à Québec et. Ville de Québec? Ouais. Ah ben je viens de la ville de Québec. T'es à deux. Oui, c'est okay. KRL est la première radio communautaire francophone au monde. Elle est de Québec. Ah d'accord. Et on a donné la chance à Carbone 14 à la peste. Au Super Nana de s'émanciper. Les radios pirates, la radio libertaire, c'est de nous. Ah, OK. C'est de nous. Ah, je savais pas ça. Ben oui. Ah, à quel endroit tu as joué à Québec? Alors, j'étais près du parc. Au Petit Champlain? Non. Tu sais, le parc. Le grand parc où il y a eu la bataille, là. OK, les Plaines d'Abraham. Les Plaines d'Abraham. Ouais. Tu as chanté sur les Plaines d'Abraham? Ah non, j'ai pas chanté là-bas. Okay, j'étais en voyage. Ah, j'avais une guitare. J'allais jouer tous les jours dans le parc des Plaines d'Abraham. Et tu n'avais pas de permis? En fait, on allait sous les kiosques, là. Oui, oui. Et personne ne nous a jamais dit de partir. Oui, parce que tu fais un peu d'argent. Et non, je faisais pas la manche. Mais des gens venaient nous écouter. J'étais avec un ami. Ah, mais il y a des endroits, il y a les Yeux Bleus, qui est un petit bar sur la rue Saint-Jean, ben, tu connais, c'est près des Plaines d'Abraham, la rue Saint-Jean, et tu arrives avec la guitare et tu chantes. Ah ben, je savais pas. Mais tu vois, j'étais pas dans un séjour forcément pour chanter, j'avais envie de découvrir le pays. À quelle année, ça? Ça devait être il y a 5-6 ans. Oh! Ouais. mon émission existait. Ah ouais, bah tu vois. Mais la prochaine fois, j'ai vraiment envie de chanter là-bas. Ah, viens goûter ma bière. Ouais. Et goûter la bière. Ma bière. Ta bière. Et... Ah, c'est merveilleux, ça, c'est plaisant. Si L'hôtel du Renard Blanc est à flanc de colline. On n'y entend jamais le boucan des machines. Au prochain croisement, vous verrez le panneau. La ville en arrière-plan, un début de ruisseau. Il est toujours ouvert pour celui qui n'a rien, qui marche de travers, exclu ou clandestin. Il fait gîte et couvert, sans limite de temps, sans clôture ni barrière. Il est là, simplement. Prend des forces et le goût de la vie. Le goût des philosophes et des poètes maudits. Il est vaste, accueillant et bordé d'oliviers, de jardins luxuriants où l'on peut s'attabler. Il y a toujours une place pour celui qui a faim ou pour celui qui passe, qui ne demande rien. Prend des forces et le goût de la vie. Le goût des philosophes et des poètes maudits. L'hôtel du Renard Blanc. Existe-t-il vraiment? Je l'ai rêvé ici il n'y a pas si longtemps. Au prochain croisement, vous verrez le panneau. La ville en arrière-plan, un début de ruisseau. J'y ai repris des forces et le goût de la vie. Le goût des philosophes et des poètes maudits. Je lis les langues mortes. j'étais une ville, je serais une capitale. Je vais dire Paris quand même. Je vais dire Paris, ouais. La ville lumière. Ouais. Site, quel arrondissement? Moi j'habite dans le 9e à côté, là. Ouais. Je suis pas très loin. Ouais. Mais ouais, je serais de 18e, on va dire. 18e arrondissement. C'est beau, hein? Ouais. C'est beau. Ouais. Site un peu bruyant. Un peu bruyant. Oui, là, ce matin, là. Non, mais c'est rare, c'est la première c'est fois. Mais il y a toujours, lorsque je fais mes rencontres, une journée dans la semaine où il y a un marteau. Eh bien, c'est aujourd'hui. Ah, c'est merveilleux, j'aime ça. Mais faites-en pas, le son est tellement bien. Oui, cool. Ouais. Si tu étais une langue. Une langue, ben, je serais le breton. C'est une, la langue de ma région. Oui. Est-ce que tu la... Je la parle pas. Ah. Aucun mot en breton. Si, Kenavo, Avéchal... Et si tu veux commander une bière, t'es pas capable. Non, ah. Je peux dire à ta santé, Yarmat, ah, ouais. Mais... Ouais. Si tu es... Mais pourquoi t'aimes pas le vin? C'est pas que j'aime pas, mais... j'ai du mal à... Avec, à tenir le vin, en fait. J'ai, okay. Tu vois, j'ai... C'est trop fort. C'est trop fort. Je passe des meilleures soirées avec, en buvant de la bière. Et, alors, tu ne prends pas de liqueur, ça, coup, c'est certain. Ah non, je bois aucun alcool fort. En fait. Parce que tu ne supportes pas. Non. Moi, j'aime, en fait, les choses douces, oui, tu vois. Donc, mais... l'ivresse, pareil, ça doit être très doux. Et j'aime pas être... Sinon, tu te comportes comment? Sinon, bah, tu pleurniches? Tu... Ah non. Non, non, ah. Non. Non, non, moi je suis très. Festive. Très festive, très. Très cool, plutôt marrante. Dans n'importe quelle circonstance. Ouais, ouais. Je prends la vie du bon côté, Andy. Ah oui, oui. Hein. Si tu étais une époque. Une époque. Bon, notre époque, là. Ah oui? Ouais. Elle est compliquée, mais. Elle est enivrante. Elle est enivrante, ouais. En parlant de bien. Ouais. Si tu étais un mot. Si j'étais un mot. Musique. C'est ta vie. Ouais. Que t'as choisi. Ouais. Si tu étais un aliment. Je serais un fruit de mer. Ah oui? Ouais. Une crevette de matin. Ouais, c'est ça. Dans la maillot, là. Si tu étais. Ah, ben non, t'as pas goûté les crevettes de matin. Il faut aller à Matane pour goûter les bonnes crevettes. C'est des crevettes rosées, là. Ah. Roses, il y en a des grosses, mais les petites sont tellement goûteuses, c'est merveilleux. Mais moi, je suis allergique aux crevettes. Ah. Si tu étais une saison? Je serais l'automne. C'est plus frais. Moi, j'adore l'été, hein, la chaleur, mais... je sais pas, l'automne, il y a quelque chose de puissant, je trouve, dans l'automne. Poésie. Hein, ouais, de poétique, dans la nature est très très belle, je trouve, en automne. Ouais, l'automne. Est-ce qu'il y a des saisons qui sont propices à l'écriture? Là, tu vois, je te dirais, ça fait plusieurs étés que je reste à Paris et que je travaille et que j'écris pas mal. Pourtant, l'été, c'est pas hyper propice à l'écriture, mais... non, moi, tu vois, comme je te disais, c'est toute l'année, tous les jours, l'écriture... Alors, il y a rien de précis. Ouais, non. Si tu étais un membre corporel? L'oreille. Bien tendu pour tout capter? Ouais. Si tu étais un moment de la journée? Un moment de la journée? Ah, moi, je suis une nocturne, hein, donc minuit. Oh. À minuit, là, tu... Là, j'ai une seconde vie commence. Quelle sorte de vie? Très créative. Okay. Ouais. Non, je sors pas spécialement. Okay. Hein. Je suis pas un oiseau de nuit. Okay. Mais je travaille pas mal la nuit, moi. Okay. J'écris. J'aime bien la nuit. Ouais. Si tu étais un autre individu? Un autre individu? Oh, je serais un pêcheur sur une pirogue, dans une tribu que personne n'a encore découvert. Ça serait l'opposé de ce que tu vis actuellement dans l'urbanité. Je serais dans un truc très la nature à choisir parce que sauvage. Ah, sauvage, oui. À choisir parce que tu fais le même chemin? Oui. Ouais. Sans détour, sans la même chose. je modifierais quelques trucs. Ouais, mais non, je me sens bien dans mes choix en fait. Donc. Et qu'est-ce qui se prépare pour toi dans le futur, pas si lointain? Qu'est-ce qui se prépare pour toi? Bah là, je vais enregistrer cette chanson là, Sabotage, dont je te parlais. Enregistrer combien de jours? En septembre, je sais pas combien de temps ça va prendre. Chez toi? Non, là j'ai rencontré le réalisateur avec qui je vais bosser. Hein? Ouais. Et donc j'ai très hâte. Et tu verras, bah, c'est une chanson dont beaucoup de gens me parlent quand je fais mes concerts. Donc j'ai envie de l'enregistrer et on va faire un clip dessus. Et voilà, je vais. Est-ce que tu fais des concerts cet été, non? Si, je vais jouer en mois d'août. Dans la Sarthe, c'est près du Mans. Okay. En septembre, je vais jouer près de Reims, dans un festival qui s'appelle Festival Grange. Okay. Et au mois d'octobre, je joue à Villebon-sur-Yvette, qui est en 91. Okay. Et a priori, je retourne en octobre jouer à La Réunion aussi. Okay. Mais c'est pas encore 100% sûr. Ouais. Alors, tu as beaucoup de projets? Oui. Et tu continues à écrire? Ouais. Ouais, ouais. Ben, merci de passer à mon émission. Ben, merci. Puis, merci à toi. Et puis, écoute, ben, on va t'écouter. Super. Et très heureux de t'avoir rencontré enfin. Ben, moi aussi. C'était que partie remise. Ben, hein? Oui. Alors, à la Royeuse. À la Royeuse. Kenavo avec chaleur. Ah, d'accord. Et qui veut dire? Au revoir, à bientôt. Ah, c'est bien. Merci. Merci à toi. Rejoins-nous dans la rivière, me chante à fées ou sorcières, on te promet.

vers le cercle polaire, à l'avant d'un brise-glace, avenue du chemin vert, tout seul dans une impasse, au début d'un amour, dans les marais salants, en passant par la cour, en plein chambardement. On pourrait disparaître sans s'en apercevoir, être au début de la journée des grands départs. On pourrait s'éclipser sans prévenir du retard, sans oblitérer son ticket à la gare. Dans une voiture blindée, arrivée au sommet, en bas de l'escalier, perdue dans la forêt, au milieu de la piste, dans une galerie marchande, très loin du précipice, en marchant sur la lande. On pourrait disparaître sans s'en apercevoir, être au début de la journée des grands départs. On pourrait s'éclipser sans prévenir du retard, sans oblitérer son ticket à la gare. Des fuites, des voyages, des routes, de l'errance. vagabondage, rien dans la balance, des fuites, des voyages, des routes de l'errance. Creuser un sillon, un chemin secondaire, debout sur le pont d'un radeau, seul en mer. Je n'ai rien dans le crâne que de l'essence, du butane pour jeter dans les flammes les pensées qui m'éloignent de ta bouche, de ton charme, de nos châteaux en Bretagne, de ton corps, nos ébats, de tous les décors où je suis avec toi. Je n'ai rien dans le crâne que du fioul, du propane, et je fais tout flamber, tout ce qui n'est pas près de tes yeux, de ton âme, de nos bulles, de champagne, de nos nuits, de tes bras, de tous les lits où je rêve avec toi. Je n'ai rien dans le crâne que des bombes, du napalm pour tout faire exploser, tout ce qui me distrait, de ta bouche, de ton charme, de nos châteaux en Bretagne, de ton corps, nos ébats, de tous les décors où je suis avec toi. De tes yeux, de ton âme, de nos bulles, de champagne, de nos nuits, de tes bras, de tous les lits où je rêve avec toi. Ou bien tant dans les interstices, le vide qu'il nous reste, qu'il s'insère, qu'il se glisse, se répand comme la peste et prend ce qui lui plaît. He noses his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. A Mose is a Mose. A rose is a rose. A toes is a toes. Hoop-de-doo-de-doo. Hoop-de-doo-de-doo.